C'est pas facile, la vie d'artiste, quand tu chantes mal et que t'as pas le nom. Imaginez comment c'est triste, d'écrire des tunes pour le plafond. J'ai pas personne pour m'écouter, tant que je vois des faits, tant que je vois écrire. J'aimerais bien ça pour faire broyer, mais un effet, c'est fait pourrir. Quand toutes les portes où j'ai frappé m'ont viré à coups de pied dans le cul, arrêtez donc de me contrôler, l'autocensure, j'en fumerai plus. Passe-moi cracher toute ma douleur, nettoyer l'accumulation. Pas toute idée ce que j'ai sur le cœur, on est fan de la création. À force de vivre dans misère noire, ça donnerait le goût de fumer du pot. En attendant les fruits de la gloire, je mange des beurre et de beurre de peanut.